Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale, nous sommes le mardi 26 février. Nous souhaitons une bonne fête au Nestor, ça vient du grec signifiant voyageur, sagesse. Nestor est un homme qui, sous des allures souvent un peu rudes et viriles, dissimule avec plus ou moins de bonheur une émotivité particulièrement vive, doublée d'une hypersensibilité. Avec le 19 comme nombre actif, Nestor n'est pas l'homme des demi-mesures, tant ce qui concerne son caractère qu'il aime afficher, trempé, viril, courageux, combatif, que son destin qui peut être une superbe réussite ou un échec cuisant. Ses qualités deviennent vite des défauts, autoritaire, orgueilleux, impatient, impulsif, téméraire. Il est capable de foncer sans forcément avoir pris le temps de la réflexion. Par ailleurs, il est souvent tendu, ce qui peut se traduire par des explosions entre guillemets, dans lesquelles les mots peuvent dépasser sa pensée. Si Nestor a un côté tout ou rien, c'est sans doute aussi parce que sa personnalité est un peu écartelée entre la tendance émotive, fragile, craintif sinon peureuse, influençable et infériorisée, et l'autre masculine, confiante, indépendante, téméraire, voire agressive et risque tout. Il en résulte certainement un caractère cyclotimique, mais il peut vivre aussi à la hauteur de son maître nombre 11, dont la force est une des caractéristiques, ce qui ne manquera pas de lui conférer un certain ascendant sur autrui. Dicton du jour, février remplit les fossés, c'est à Mars de les assécher. Pas de célébration internationale aujourd'hui et dans les événements qui se sont déroulés un 26 février en 1880. C'était la reconnaissance de l'État indépendant du Congo. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Michael Bolton et son titre « Say I love you, but I lied ». Said I love you but I lied, Michael Bolton sur RGM. Il est un peu plus de 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 26 février 1947, naissance de Sandy Shaw, chanteuse pop britannique, notamment connue pour le titre Always Something There to Remind Me, dont on écoute tout de suite un petit extrait. I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Part of me, oh, oh, oh, oh. When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night. Voilà pour l'extrait de Sandy Shaw. On continue. 1953, naissance de Michael Bolton, chanteur américain. 1956, naissance de Charles Élie Couture, chanteur français. On écoute tout de suite un extrait de son titre « Comme un avion sans ailes ». Pour l'extrait de Charles Élie Couture. Allez, on continue. 1958, naissance d'Evelyne Dessuté, danseuse étoile française. C'est également l'année de naissance de Greg German, acteur américain. Connu pour son rôle de Richard Fish dans Ally McBeal, vu dans Hawaii 5-0, New York Unité Spéciale, dans le rôle de substitut du procureur Derek Stroke. La saison 5 de Once Upon a Time dans le rôle d'Hadès. Et depuis la saison 14 dans Grey's Anatomy dans le rôle du docteur Tom Korasik. 1961, naissance de Virginie Lemoine, humoriste et comédienne française, vue dans Ma femme s'appelle Maurice et la série télé Famille d'accueil dans le rôle de Marion Ferrière. 1964, naissance de Marc Dacascos, acteur américain, vu dans Le Pacte des loups dans le rôle de Manny, dans la série télé Le flic de Shanghai, Stargate Atlantis, Chicago Police Department, Lucifer, et surtout connu pour son rôle du méchant Wofat dans la série Hawaii 5-0. 1971, naissance de Manu Lévy, animateur radio français. C'est également l'année de naissance d'Hélène Ségara, chanteuse française qu'on a connue il y a maintenant 20 ans dans le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. 1974, naissance de Sébastien Loeb, pilote de rallye français qui a remporté le championnat du monde des rallyes 9 fois consécutivement, de 2004 à 2012. 1975, naissance de Virginie Hoc, comédienne humoriste belge, vue dans le séminaire Incognito, La liste de mes envies, Le petit Spirou à la télévision dans Les ou encore la série Vive la colo dans le rôle de Morgane. 1977, naissance de Coxie, chanteuse française qui a fait un carton à l'époque avec le titre Garçon. On écoute tout de suite un extrait. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge, un mec me dit hey « Eh madame, il est quelle heure ?» Je lui réponds midi, il me dit « Madame, qu'est-ce que t'es bonne, tu veux pas te faire une gâterie ?» Ses potes rigolent, sur le moment j'ai pas compris. Je réponds « Mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. » Le mec me regarde, avec une tête de chien de garde, il me fait « Ouais, c'est pas pas de ma mère ou je te défonce ?» Je lui réponds « Du calme, Alphonse, je te connais pas, tu m'agresses, c'est quoi ce manque de délicatesse ?» On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses, il me dit « Ouais, mais toi je te baise !» Je lui dis « Ben non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon. Et garçon con, ma fille, garçon con. Garçon con, garçon con, qui perdent leur cédille. Garçon con, garçon con, qui perdent leur cédille. Voilà pour l'extrait de Coxy. 1982, naissance de Lina, ancienne joueuse de tennis chinoise ayant fait carrière de 1999 à 2014, qui a été numéro 2 mondial en 2014, qui a gagné une fois l'Open d'Australie ainsi que Roland-Garros, demi-finaliste à l'US Open et quart de finaliste à Wimbledon. C'est également l'année de naissance de Nate Ruess, auteur-compositeur interprète américain du groupe Fun qu'on écoutera en fin d'émission. 1985, naissance de Shiloh Fernandez, acteur américain vu dans la saison 1 de la série Jericho dans le rôle de Sean Hunter et vu également dans la série Gossip Girl. En 1971, décédé Fernandez, acteur chanteur français vu dans le Schpounz, La fille du Pizzati, La vache et le prisonnier, Le petit monde de Don Camillo, Le retour de Don Camillo Monseigneur et Don Camillo en Russie dans le rôle du Don Camillo le prêtre. Et on écoute tout de suite eh bien, un extrait de son titre, Félicie aussi. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Voilà pour l'extrait de Fernandel. Et en 2005, décédé Pierre Trabeau, acteur français qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de dessins animés, notamment Daffy Duck, Joe Dalton, Popeye ou encore Tortue Géniale dans Dragon Ball. Allez, tout de suite, on s'écoute Hélène Segarra avec l'un de ses tubes qui commence à dater hein, maintenant. C'était « Il y a trop de gens qui t'aiment ». T'éloigner tout doucement. Segara, il y a trop de gens qui t'aiment sur le 107FM. Tout en rime, il est 8h48 et on fait tout de suite un point météo. La météo. Et aujourd'hui encore, nous aurons une journée digne d'un printemps, voire peut-être même d'un petit été. Une très belle journée ensoleillée. Alors certes, il fait froid hein, ce matin, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés. Mais cet après-midi, comme hier après-midi, on frôlera les 20 degrés, puisque ça devrait être des températures comprises entre 17 jusqu'à 19 degrés pour cet après-midi. Mercredi, journée ensoleillée également, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 17 et 18 degrés prévues pour demain après-midi. Jeudi sera encore une journée ensoleillée avec des températures qui augmentent le matin. Elles devraient être comprises entre 3 et 4 degrés, mais qui baisseront jeudi après-midi entre 14 et 15 degrés. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Un petit point basket avec les résultats de NBA où l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker s'est inclinée cette nuit 110 à 121 face aux Golden State Warriors. 14 points pour Batum et 2 pour Tony Parker. Les Chicago Bulls de Luau Cabarro se sont inclinés 106 à 117 face à Milwaukee. 12 points tout de même pour le Français. Et l'équipe de Memphis de Joakim Noah, 14 points et 12 rebonds, s'est imposée 110 à 105 face aux Lakers de Los Angeles. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi d'Indian Wells et hier l'élimination de Ferro en 3-7 face à Vic Mayer. 1-6, 6-3, 6-3. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Baczynski. À Dubaï, Benoît Paire affrontera aujourd'hui Nishikori. Gaël Monfils se repose à Cilic et Moutet à Urkats. À Acapulco, aujourd'hui, Adrian Manarino affrontera Isner. Il y aura également Rafael Nadal opposé à Misha Zverev. Et côté féminin, Pauline Parmentier affrontera Sloane Stephens. Et un petit mot sur la demi-finale de la Fed Cup qui se profile petit à petit. Elle aura lieu certes en avril, mais depuis hier, on connaît la surface sur laquelle se jouera cette demi-finale. Je vous le rappelle, c'est contre la Roumanie. Eh bien, l'équipe de France a choisi la terre battue couverte et la rencontre aura lieu à Rouen, donc au mois d'avril prochain. Un mot de football maintenant avec ce soir, quart de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain affronte Dijon. Et on termine avec du biathlon, on connaît la composition de l'équipe de France masculine et féminine pour les championnats du monde qui débutent le 7 mars prochain. Côté messieurs, il y aura eh bien, Martin Fourcade, Simon Détieu, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona, Simon Fourcade et Emilien Jacquelin. Côté féminin, 5 Françaises ont été retenues. Célia Aymonier, Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Justine Brezaz et Julia Simon. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec le groupe Fun et leur titre « We Are Young ». Give me a second eye. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know.